Moi, dès l'âge de 22 ans, j'étais déjà mêlé dans la révolution de libération pour les pays africains contre le colonialisme. Et donc, je savais ce que signifiaient les alliances. Les alliances, il faut juger les intérêts. Si les Sud-Africains n'avaient pas des intérêts en Angola pour lutter contre la SWAPO et contre l'ANC, donc, de bon cœur, les Sud-Africains ne pourraient jamais me soutenir. Alors, il a fallu analyser les contradictions pour trouver qui pourrait être mon allié. Et j'ai vu les Sud-Africains étaient les seuls qui pourraient m'aider à ce moment-là dans leur propre intérêt. D'autant plus qu'au moment où l'histoire de la SWAPO s'était résolue, au moment où ils ont engagé les négociations avec l'ANC, l'Afrique du Sud s'est désintéressée de l'UNITA. Donc, moi, je crois qu'il faut, dans ma vie, c'est pas seulement pendant ma guerre, il faut connaître, analyser les situations et saisir les opportunités. Ce n'est pas une alliance contre nature. Autrement, qu'est-ce qu'on dirait des Cubains qui ont occupé le pays? On comprend que sur la base de ces désaccords, la guerre continue jusqu'en l'an 2000, guerre entretenue du côté de l'UNITA par les ressources en diamants des territoires contrôlés par ce mouvement et du côté du MPLA par les réserves gigantesques en pétrole. À l'échelle de l'Afrique, c'est un conflit extrêmement grave dans lequel l'OUA, une nouvelle fois, se montre incompétente. Raison pour laquelle, sans doute, l'organisation panafricaine a laissé, comme dans le cas du Sahara occidental, l'ONU prendre en charge ce dossier. L'Afrique du Sud, maintenant. Face à la crise majeure de l'apartheid, on retrouve les deux attitudes qui vont, en chaque circonstance, caractériser les pays africains réunis au sein de l'OUA. D'un côté les radicaux, de l'autre ceux qui préconisent le dialogue. Afrique du Sud, donc. 4 ans après sa libération et au terme d'élections qui voient le triomphe de son parti, l'ANC, l'un des premiers gestes de Nelson Mandela est d'adresser ses remerciements à l'OUA le 29 avril 1994.